Hello. Coucou. Ici El Catou, je suis avec Nelson et Mio. On est là. Alors, aujourd'hui, nous avons quatre films. Ça, on n'a pas trop blindé la semaine. Il se trouve, comme de par hasard, que on se consulte pas avant, hein. Donc, il se trouve que par hasard, on a focalisé un peu sur une seule plateforme quasiment. C'est le plus récent. Voilà, sur une, ça, on va pas vous dire laquelle parce qu'à un moment ça va être un peu évident, mais c'est un pur hasard. Voilà. Il faut faire que je me replonge dans les DVD plutôt pour les prochaines émissions, c'est que je sois seule. Mais c'est vrai que d'habitude on est plutôt sur la plateforme rouge. Là, on a fait sur l'autre. Enfin, bon, La bleue, quoi. ouais, Qu'est-ce que c'est que ça? donc ouais, promis pour les prochaines fois, on se focalise plus sur des DVD et sur d'autres trucs, pas forcément plateforme, mais histoire de changer un peu. Donc on va commencer avec Neo qui vous parlera The Vast of Night de Andrew Patterson. Ensuite, on enchaînera avec Nelson qui vous parlera de Palm Spring de Max Barbacoa. Ensuite, avec Neo qui vous parlera de Whitebird de Andrew Patterson. Non, c'est de Gregorati. Et pas. Je sais même pas. Je sais même pas faire un copier-coller correctement, c'est parfait. De Gregoraki. Et on terminera par moi-même avec Bliss de Mike Cahill. Voilà. On va commencer par Nio avec The Vast of Night. Oui. Alors, d'ailleurs, The Vast of Night est mon autre film. Je pensais qu'il n'y avait pas de fil rouge ni de thématique, et en fait, avec le recul, il y a une Si, thématique bon, entre tous non, les là on films. a une bonne thématique d'une même plateforme, hein, donc... Non, mais même les deux films, ils ont le même thème commun, qui sont, voilà. Sauf que The Vast of Night, c'est de la science-fiction, et White Bird, c'est plus un thriller psychologique, drame intimiste, comme Greg Araki sait les faire. Et du coup, The Vast of Night, donc, il s'agit du premier film de Andrew Patterson, rien à voir avec le Patterson avec de je sais plus quel réalisateur de Jim Jarmusch, voilà. Pour ce qui est Oui, Jim français. Jarmusch. Ouais. Parce que Patterson, lui, c'est son premier film où donc il est non seulement réalisateur, mais il a aussi écrit scénario sous le pseudonyme de James Montag. Il a aussi été le monteur du film, alias le pseudonyme de Junius Tully, et il est aussi producteur en reprenant le pseudonyme de James Montag, histoire de voir que voilà, on l'accuse pas de tout monopoliser, mais c'est son bébé et on sent qu'il veut vraiment le défendre et on sent que c'est un film qui est en plus hyper sincère, qui lui tenait à cœur. Et quand on voit le film, moi j'ai été je dirais pas sidéré, parce que c'est pas révolutionnaire pour autant. Le thème en lui-même qui est de la science-fiction avec un peu des extraterrestres, c'est pas non plus nouveau. Mais par contre, quand on compare tout ce qui est sorti en salle en 2020 et ce film qui aurait largement eu le droit de sortir en salle s'il n'y avait pas eu le Covid ou d'autres trucs, moi j'ai envie de dire ce film, je le découvre qu'à rebours, après de nombreuses critiques, enthousiasmes de part et d'autre chez des amis et d'autres trucs. Et si je l'avais vu en 2020, il aurait été dans mes tops. Parce que il est tellement généreux ce film, aussi bien le scénario qu'on sent que c'est bricolé, mais en même temps c'est attachant, tout repose sur les deux comédiens qui sont inconnus, qui sont Sirhan McCormick et Jake Horowitz, que je ne sais pas si vous connaissez, c'est eux deux qui portent un peu tout le film dans leurs épaules. Et côté mise en, alors côté musique aussi, c'est côté musique, il y a plein de trucs. Il a fait son petit shopping. Il a pris des montages de sons, de musique, d'autres trucs. À un moment, on entend un passage des planètes de Gustav Holst avec la dernière symphonie Neptune. Et ça, voilà, c'est presque un coup de génie d'entendre ça à un moment dans le film. Et la mise en scène, on sent qu'il n'a pas les moyens. Donc par moment, il y a l'écran qui fait un fondu au noir et on entend juste la parole. Et ça, c'est génial. C'est le spectateur imaginer ce qui se déroule hors champ. Ça, c'est hyper C'est intelligent, ça. fantastique, on ne prévoit même Non, à d'autres moments, une transition avec une vieille télé, façon Twilight Zone, façon au-delà du réel avec la vieille télé, et on rentre à la vieille télé, puisque c'est dans les, à la fin des années 50, début des années 60. Donc c'est tout à fait, en plus, c'est presque un clin d'œil, un hommage revendiqué, d'autant plus qu'il y a aussi un autre clin d'œil un certain Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Et aussi, mise en scène, c'est pas parce qu'il a pas de budget qu'il peut pas se permettre de faire des petits plans séquences, etc. Il y a eu un plan séquence qui avait circulé sur YouTube, où on sort d'une station téléphonique, puisque l'héroïne du film, parmi les deux acteurs, elle s'occupe du standard téléphonique. Vous savez, tous ces gros standards où on relie avec des fils, etc., pour dire, ne quittez pas, je vous mets en appel, etc., tout ça. Et donc, la caméra sort c'est pas une cabine, mais c'est une espèce de station à tout appel téléphonique, puis commence à très très vite, à toute vitesse, elle roule pas sur le sol, je suppose que c'est un effet tourné par un drone, elle commence à parcourir toute la ville, et on sait que dans la ville, on le sait au début, il y a un match de basketball avec toute l'équipe du collège, c'est vraiment la petite ville perdue dans le trou, toute l'équipe, etc., donc il y a tout le monde qui y est, et le héros, de son côté, lui, il envisage de devenir DJ pour les radios de la grande ville, mais là, il est dans ce petit trou perdu, donc avec la radio du coin, et la caméra, donc, elle parcourt toute la ville, elle passe dans le gymnase, elle parcourt le match, elle s'élève pour aller dans une fenêtre, elle redescend par la fenêtre, je ne sais pas s'il y a une grue à ce moment-là qui prend le relais, et après que ça repasse par le drone de l'autre côté, on voit que par séquence, il n'est pas truqué, il est fluide, et ça repart à travers champ pour aller à la station de radio, et ça contourne la station de radio pour aller dehors, on voit le héros qui est en train de fumer une clope, et mais ça ne s'arrête pas sur lui, ça repasse dans la porte de la station de radio. Ça fait 5-6 minutes de bonheur, là tu fais, ah ouais, c'est le meilleur plan séquence que j'ai vu ces dernières années. Voilà. À travers un petit film qui dure à peine 1h30, avec un petit budget, mais voilà, on sent que le mec, il en voulait. Non, ça fait vraiment plaisir. Et quant au film lui-même, voilà, comme j'ai dit, c'est presque un hommage à Twilight Zone, au-delà du réel, et même aux frontières du réel, même si X-Files, c'est beaucoup plus récent, ça commence en 93 pour la première saison, vu que je la regarde aussi en ce moment. Oui, comme tu vois, c'est vraiment tout est C'est pas lié. 92? Il y avait marqué IMDb 93 pour la première saison, IMDb Wikipédia, donc bon. Peut-être diffusé en 93. Peut-être, c'est la Je sais merveilleuse pas, époque avec M6. ouais, surtout qu'en plus ils appelaient ça en frontière du réel, après ça a facilement fait. Ouais, j'ai gardé aux frontières du Well, c'est bien. Donc, The Vast of Night, il y avait une Non, c'était préférence. 93, excuse-moi, enfin diffusé sur entre 93 et 2018 sur Fox. Ouais. Donc, Vast of Night, il y a des petites préférences, c'est bricolé, il y a plus de budget. Il essaie de compenser en donnant le rôle, à la parole, à les paroles, etc. En fait, tout fait lentement monter la sauce par des petits détails. Et plus le film s'avance, et plus on est vraiment pris au truc, vraiment passionné par le truc, par l'histoire. On se demande, enfin, ça même devient de plus en plus inquiétant, quoi. On se demande qu'est-ce qui va se passer, tout ça, ouais. Et en plus, comme disait un de mes contacts sur Facebook, qui a vu le film et qui a pas mal apprécié aussi, c'est le genre de film qui appelle une suite. Parce que le réalisateur ne choisit pas une fin ni bonne ni mauvaise, il choisit une fin ouverte. Qui est donc, d'après ce que le spectateur, lui, il aura compris le truc, etc. Et effectivement, ça pourrait avoir une suite, mais pour moi, il n'y a pas besoin de suite. La bonne suite, ça suffit très bien, etc. Voilà. Très bon film, très bon petit film, de science-fiction. Avec peu de budget, peu de moyens, mais avec beaucoup de passion et d'amour du cinéma, qui fait vraiment plaisir. Et oui, un mot aussi sur les deux comédiens. Ils sont méconnus, les deux comédiens. Je redis leur nom vite fait. Donc il y a Jake Horowitz, qui est le DJ Everett, qui tient la radio de la petite ville, qu'on voit au lycée, en gymnase du lycée, etc. Il y a Sarah McCormick, qui envisage de faire des études de journalisme, qui s'appelle Faye, donc avec ses petites lunettes années 50-60, des petites lunettes un peu en pointe, comme on voit dans les vieilles séries. D'ailleurs, la reconstitution est très bien. Voilà, on se doute qu'il n'y a pas de moyens, mais on voit les vieilles voitures, etc., des années 50-60. Non, c'est bien foutu, ça fait plaisir à voir, quoi. C'est un bon morceau de cinéma, un bon moment de péloche. Voilà. D'accord, et comme on en parlait hors contact, enfin en dehors du truc, de l'émission, il y a des prix, c'est ça en fait, pour The Vast Ouais. of Night? Le film, à ce jour, est nominé déjà 36 fois avec une poignée de victoires. Alors, dans les victoires, on regarde un peu les nominations, les choses connues. Alors, il y a le Columbus Film Critics Association qui l'a nommé meilleur petit film. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a les Golden Globe ou les Awards ou les ah, les films indépendants Spirit Awards. Ça, c'est bon, c'est évidemment moins connu pour nous que les Oscars ou le Golden Ouais. Globe. Et voilà, il était nominé meilleur scénario. Hollywood Critic Association, voilà, nominé meilleur réalisateur masculin, meilleur scénario, meilleur film indépendant, meilleur, voilà, c'est quand même pas mal de nominations. Il a gagné le Houston Film Critics Society Award. Ah, voilà, il a aussi été nominé à IGN, Summer, les films d'été 2020, meilleur film de science-fiction. Et sinon, ah là, je cherche, il n'y a pas les. Ah, Festival de Montréal du Nouveau Cinéma en 2019, nominé C'est ça, moi aussi. je vois celui de Toronto aussi au TIFF. Ouais, ah, Festival de Film de Philadelphie, ouais, qui est aussi assez connu, il est nominé, etc. En fait, il y a eu pas mal de nominations, et Toronto aussi nominé, Ouais, et Toronto, nominé attends. aussi, meilleur film d'horreur. Alors, c'est pas vraiment de l'horreur, même si de plus en plus, Mmh. les dernières demi-heures deviennent de plus en plus inquiétantes, quoi. Mais, non, c'est, franchement, ça fait plaisir toutes ces nominations. Donc, j'espère que ce genre de film qui passera, peut-être au pif, le pif, parce que il a la carrière de passer au pif, le Je pari a pense passé à la qu'il est beaucoup trop loin maintenant qu'il est en plateforme et tout, c'est pas possible. Ou quoi que je crois que ça a dû arriver même une à l'étrange fois. festival, c'est ça là, c'est le titre vraiment le film pour l'étrange festival au Non, pif, mais façon. non, parce que c'est déjà distribué en fait. Il est déjà distribué, il est déjà sorti, donc il va, c'est pas possible. Dommage, mais en tout cas, s'il sort en DVD chez nous, moi je vais le recommander, je vais faire la publicité à fond pour le film. Par contre, effectivement, il aurait peut-être pu faire partie d'une sélection de l'étrange ou là, je sais pas. Pour le pif, j'ai pas regardé, ne sachant pas si ça allait se tenir, j'ai pas regardé la programme. Mais du coup, ça aurait peut-être pu rentrer s'il n'était pas souvent sorti ou en tout cas Ah celui oui, ça d'avant. aurait pu Mais sortir à l'étranger. enfin bon, c'était Voilà, voilà. donc suite avec. Palm Spring de Max Barbaco et Nelson. Fais-nous un gros ouf. Deux salles, deux Voilà. ambiances. Ouf! Enfin, quoi Ouais, que deux salles, deux ambiances. j'ai l'impression qu'on va basculer sur des trucs un peu. Parce que même moi, par rapport au film que j'ai vu, ça va être sur des trucs avec des scénarios un peu spécifiques quand même aussi. Hein. C'est-à-dire Ah oui, que oui, ça a l'air oui. très spéciaux, hein, nos films à nous. Ouais, alors, Palm Springs, donc, bouge-toi les oreilles, Katou. Oui, c'est vrai, je vais en profiter pour faire Voilà, va voir un Katou. Alors, Palm Springs, c'est une comédie romantique américaine, réalisée en 2019, sortie en 2020, réalisée par Max Barbakoff, sur un scénar de Max Barbakoff et Andy Sierra. Alors, c'est un film indépendant, ça se voit, c'est un film indépendant. L'économie de moyens y est flagrante, mais le film est vraiment cool à regarder. Alors, le scénar, il est très simple. C'est Knight, un mec qui a une vie somme toute banale. Il est avec sa copine Misty, et en fait il passe en fait Nice va rencontrer dans un mariage qu'on appelle Tara, et il va se passer ce qui va se passer, et en fait au moment où Nice et Tara vont conclure, il y a un mec qui se pointe, qui menace Nice. Et Niles s'enfuit, et Sarah essaie de retrouver Niles, et à partir de là, il va leur arriver tout un tas d'aventures incroyables. Voilà. Alors, D'après ce que je vois, c'est c'est presque une espèce de film un peu comme moi, Twilight Zone. un peu, ouais, un peu. En fait, alors bon, pour ceux L'affiche qui, est super cool. l'affiche est cool. Après, bon, le film nous reproduit comment dire, nous reproduit un peu le schéma de Un jour sans fin, mais sans les moyens. Après, il est vraiment cool comme film. Moi, j'ai vraiment kiffé cette espèce de monde un peu. Bah c'est ce truc de réalité un peu paumé avec ces deux personnages qui se cherchent, qui sont complètement perdus dans leur vie au départ, et qui se retrouvent ensemble, et qui ensemble doivent essayer de pouvoir se sortir de la merde dans laquelle ils sont. Et il y a une réflexion aussi sur, sur l'humain, sur sa capacité à, en fait, sur les deux personnages, ils sont à un carrefour de leur vie à ce moment-là. Et ils ont très peu de choix. Et ils doivent faire un choix. Ils ont très peu de possibilités. Et donc, ils doivent essayer de se sortir de la et de la merde dans laquelle ils sont à l'instant présent dans le film, et de la situation de comment dire, de vie dans laquelle ils sont en dehors dans leur vie avant d'être confrontés à cette merde. Je sais pas si je suis assez clair là-dessus, mais enfin bon, bref, en tout cas. Moyennement. Voilà, mais il faut voir. J'essaie vraiment de pas, contrairement à la semaine dernière, spoiler le film, parce que c'est vraiment, il faut vraiment le voir, ce film-là. Il a ses défauts, hein, c'est sûr, mais notamment le fait d'être vraiment. Enfin, moi, j'ai vu vraiment tout de suite coller l'étiquette film indépendant, quoi. Ça passe. Ah, mais c'est pas un mal, hein. Voilà, mais dans le fait, après, bon, les personnages sont très cool. Les acteurs, alors il y a les acteurs, à part le héros, et encore même le héros, je sais pas trop ce qu'il a fait avant ni après, mais Oui, Andy Samberg, il est quand même un peu connu quand même. Andy Samberg, et après l'actrice Christine Milioti, qu'on a vu dans How I Met Your Mother, qui devient en fait la mère, qui devient en fait la femme Ted Mosby dans How I Met Your Mother à la saison 9. Et après, il y a J.K. Simmons, que je connaissais pas, donc qui est dans le rôle de Roy, What? qui est Je ouais ne qui connaissais pas. bah en fait je le connaissais pas jusqu'à ce que je vois qu'en fait c'est lui qui devait le candidat dans cette merde qui s'appelle Postal. Voilà, il a joué dans Postal, il a joué dans plein d'autres films aussi, mais Bah, c'est j'ai quand plus même comment le il Donald Jameson, l'éditeur, qui veut avoir la peau de Spider-Man dans les films de Sam Raimi. Ah oui, c'est vrai, tu vois, justement, c'est pour te dire à tel point C'est ça lui qui m'importe joue le de le salopard de prof dans Whiplash. ouais, ça, ouais, ça, je sais, ça, je le savais. Ouais. Ça, je le savais, enfin, en même temps, je le savais, j'avais vu Whiplash, j'ai très peu de souvenirs du film. Ouais, mais par contre, lui, il s'en souvient un peu quand même, parce qu'il était tellement salopard que... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il avait joué aussi dans Terminator Genesis. Maintenant, je vois sa filmo, je vois à peu près où est-ce que je l'ai vu, quoi. Mais Ouais, il fait pas mal de second rôle. voilà, pas mal de second rôle. Et en fait, comme je disais, lui aussi, son personnage aussi à J.K. Simmons, il va aussi être confronté à un truc. Enfin, j'aime beaucoup la réflexion sur l'humain que propose ce film. Véritablement. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, le monde complètement paumé et irréel dans lequel ils sont, ça crée une ambiance, c'est toute une ambiance. La musique, elle est super cool. Il y a une musique, la BO qui a un peu synthwave. Un petit peu synthwave, dédicace au synthquad, dans le comment ça s'appelle justement dans le film, est vraiment vraiment cool. Ça donne un espèce d'atmosphère planante au film, et voilà, franchement, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de le mater. Après, il y a certaines décisions scénaristiques pour lesquelles je dis ouais, bof, non, j'aurais pas joué comme ça. Mais sinon, c'est un très bon moment. C'est 90 minutes de votre temps que vous ne perdrez pas. Et ça, à l'heure actuelle, c'est très très précieux. Donc moi, Oui. je le recommande vivement. Je le recommande vivement. Vous avez, il y a rien à mater à la télé. Alors vous faites un petit plateau télé en amoureux, matez ce film-là. Vous allez vous mettre bien, vous allez kiffer, Et c'est tout ce qu'on demande à un film à l'heure actuelle dans ces temps un peu sombres de pandémie mondiale. En Voilà! tout cas, jusqu'ici, moi, j'ai vu que des réactions positives concernant le film. Ouais, Donc voilà. moi aussi, moi aussi, moi aussi. Franchement, et t'as raison de signaler, cher Katou. Je voulais juste dire juste un truc, c'est le film, parce que je viens de trouver sur le Wikipédia du film, j'ai trouvé deux petites anecdotes. C'est que le film, en fait, il a été projeté en avant-première à Sundance, et c'est pour ça aussi que ça me fait un peu, ça m'a fait cet effet chelou, en fait, de film indépendant. Donc, il a été projeté à Sundance le 26 janvier 2020, et Tu vois, c'est effectivement, encore un film de Sundance 2020. ouais, bah Comme quand oui, j'en ouais. avais parlé dans les précédentes émissions de d'autres films de Sundance. J'ai l'impression, alors je me suis jamais vraiment penchée sur la programmation de Sundance, mais il se trouve que les films de Sundance 2020, il y avait quand même des trucs sympas, quoi. Ben ouais, c'est pas le contraire, c'est clair. Non, mais c'est à chaque fois, en fait. Ça fait quoi, deux, trois films sur nos diverses émissions dont j'avais déjà moi-même parlé qui émanaient de Sundance 2020. Palm Spring, tu viens d'en parler, c'est Sundance 2020. Je trouve, enfin, bon, voilà, je sais pas qui a fait la programmation cette année-là, mais. Bah en tout cas, du coup, il y avait Neon et Hulu qui ont fait l'acquisition des droits de diffusion. Alors apparemment, dans un premier temps pour la scène, on a acheté un premier temps apparemment pour 17,5 millions de dollars, battant largement le précédent record du film le plus cher vendu à Sundance. Ils l'ont battu de 0,69 dollars. C'est 0,69 cents, à mon avis. Voilà, le prix de vente final sera 20 millions de dollars. Voilà, et le film est sorti le 10 juin 2020. Voilà, et c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce film. Matez-le, c'est un bon film. Voilà. Ok. Bon, Nio, donc avec ton deuxième film de White Bird de Greg Oui, eh bien écoute, tout à l'heure je disais que je commençais avec le recul à voir qu'il y avait un lien entre mes deux films. Et A Wild Bird traite aussi, tout compte fait, comme Vast of the Night, de disparition. Mais là, ce ne sont pas disparitions qui vont disparaître, qui vont nous emmener au-delà du ciel et des frontières de l'espace. Non, c'est la disparition de Wild Bird de Eva Green. Eva Green, donc mère de Ah, famille de Evergreen. Le casting est énorme, on va y venir après, mais le casting, Eva Green, mère de famille rangée, et qui va laisser complètement désemparée son mari, Brock, qui est joué par Christopher Meloni, et la fille, Kat, Shailene Woodley, qui est en pleine adolescence et qui a autre chose en fait à foutre que sa mère, qui tournait un peu fofolle et qui lui foutait jamais la paix. Parce que comme dans tous les films d'Araki, notre héroïne, Kat, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut baiser. Non, ça fait tout marrer parce que Araki, c'est un peu le cinéaste de l'adolescence, mais il n'y a jamais eu autant d'ados qui, quand ils n'ont pas baisé pendant une semaine, ça y est, c'est la fin du monde pour eux. Moi, ça me fait toujours marrer. Ils ne connaissent pas la masturbation. Ouais. Et Greg Araki, Bah, donc, surtout que lui. c'est spécial, enfin, on a tous souvenir de notre adolescence. C'est ça. On pouvait pas dire que c'était vraiment un état d'esprit généralisé chez les ados. Enfin, il y a de la libido chez les ados, mais il faut Oui. relativiser quand même, hein. Voilà, bah, la libido, il y a quand même beaucoup chez Greg Araki. Parce que Greg Araki, déjà, il est quand même déjà connu pour sa trilogie de l'apocalypse ado, comme on dit, ou pour moi, comme je l'appelle, l'adocalypse, qui est constitué de trois films qui sont Totally Fucked Up, qui reste encore inédit chez nous, qui est sorti en 93, mais il n'y a rien chez nous, il n'y a même pas de DVD, rien. Il y a The Doom Generation, qui date de 95, et Nowhere, qui date de 97. En 2004, Araki a rebondi avec Mysterious Skin, qui cette fois-ci laissait de côté un peu la déconnade et pour partir à nouveau, je suis désolé, je parle beaucoup d'extraterrestres, qui parle justement de deux gamins, enfin, qui ont vécu apparemment un même traumatisme, l'un d'eux, apparemment, aurait été enlevé par un extraterrestre, tout ça, etc. Et en grandissant adulte, ils s'aperçoivent qu'ils ont des problèmes et peut-être que c'est lié au traumatisme qu'ils ont eu dans leur enfance, on ne dit pas plus. Mysterious Skin, qui est vraiment peut-être le sommet de la carrière d'Araki, ou du moins un de ses meilleurs films, qui, sous le vernis, traite d'un drame assez profond. Et comme Araki a plusieurs facettes, il rebondit avec Smiley Face, une comédie totalement déjantée sur la drogue, et Kaboom en 2010. Kaboom, qu'on pourrait rattacher à l'apocalypse adolescente, puisque dans Kaboom, on parle rien de moins que de la fin du monde, mais on n'en parle qu'à la fin. C'est pas dans Kaboom qu'il y avait certains acteurs qui avaient été révélés aussi, je crois. Il me semble. Attends. C'est un peu le propre d'Araki. Ouais, Juno Araki. Temple était dans Kaboom. Et Hayley Bennett. Ouais, et t'as Thomas Decker aussi qui a fait quelques séries après, mais j'ai l'impression que Kaboom a révélé certains acteurs, ouais. Il y a pas mal d'acteurs qui commencent un peu leur carrière grâce à Araki ou chez lui. Et il y a aussi une autre constante sur les films d'Araki, c'est qu'en plus de parler des John, Araki est toujours ses bandes son, ses soignées aux petits oignons. Dans sa trilogie adolescente, c'est vraiment comme c'est un fan de shoegaze, c'est vraiment le shoegaze qui est la bande son des années 90 en grande partie. Parce qu'il y a un peu le grunge et d'autres trucs aussi. Ah, mais t'avais Roxane Mesquida aussi dans Kaboom, pardon, excuse-moi, j'étais. Mais oui! Et même, je sais plus, il y a une actrice porno, je sais plus trop qui fait une apparition dans Nowhere, c'est assez monstrueux, quoi. Mm-hmm. Mais il y a toujours des castings de malades avec des gens qui viennent pour des petits rôles ou un petit caméo, tu vois, tu fais, oh putain, il tient 5 secondes dans le film! et donc, les BO sont toujours fabuleuses. Chez Araki, on peut entendre à la fois du Nine Inch Nails dans Doom Generation, du Shoegaze avec les groupes phares comme Slow Dive, Ride, My Bloody Valentine. Et donc, White Bird qui se déroule fin 88, début 91, White Bird, on a la BO type de cette époque-là avec des groupes des années 80. Alors, comme Araki a quand même bon goût, il nous évite une bonne petite groupe qui ont des sons dégueulasses avec des synthés de merde. Mais on a quand même, en gros, Depeche Mode, Cocteau Twins, The Cure, The Mortal Coil, Tok Tok, New Order, Soft Cell, The Pet Shop Boys, Everything But The Girl, Echo and the Bunnymen. Et voilà, c'est sûr pour les amoureux là de musique de film. Et la BO du film est signée par le regretté Harold Budd, dont je suis fan, qui est un des monstres de la musique ambiante, ainsi que Robin Guthrie, qui est un des membres des Cocteau Twins. Donc Nio, il est chez lui là. Ah ouais, carrément. T'ajoutes à ça que la photographie est magnifique, c'est vraiment très poussé, je sais pas s'il y a eu beaucoup de budget dessus, mais on sent qu'il a petit oignon. C'est adapté d'un livre de Laura Kashix, qui est l'oiseau blanc dans le brouillard, dans le blizzard, qui est sorti chez nous d'ailleurs en français. Et pour la petite anecdote, et ça c'est un truc d'importance quand même, Araki n'avait pas aimé du tout la fin du bouquin. D'accord. Il n'a pas aimé la fin du bouquin, il va la changer. Et j'ai pu lire des commentaires de gens qui avaient pas vraiment aimé la fin du film, etc., tout ça. Pourtant, quand on connaît le bonhomme, c'est tout à fait raccord avec ce qu'il nous fait. Parce que, voilà, les fins de ces films dans Double Generation ou Nowhere, soit ça part dans le gros malaise total, soit ça part dans le gag et l'humour noir, le twist du imprévu, il fait « What the fuck ?» Et c'est pareil, kaboum, les 5 dernières minutes, la fin se dit « Ah ouais !» Ah ouais, et la fin du monde arrive vraiment, bordel, c'était pas juste un truc en arrière-fond, quoi. Et enfin, Mysterious Skin, par contre, a une fin qui est terriblement mélancolique, Mysterious Skin, et qui est aussi magnifique avec un plan de grue, qui... Voilà, on parle souvent du plan de grue chez Rob Zombie, qui est magnifique dans La Maison aux Mille Morts, mais voilà, Greg Araki, c'est pareil, avec moins de budget, il y a un plan de grue qui s'élève au-dessus d'une chambre, et t'as l'impression que c'est 10 000 fois mieux. Donc, on va parler un peu des acteurs. Mm-hmm. White Bird, donc, les acteurs, alors là, c'est aussi du pain béni, quoi, pour... on a, attention, accrochez-vous, donc Eva Green, ouais. Qui à la fois, je ne vais pas dire qu'elle est le premier rôle, mais elle est quand même un peu du premier plan, parce que c'est quand même quelque chose qui disparaît, mais qui va revenir essentiellement pas mal dans tous les flashbacks du film. Shailene Woodley. Mm-hmm. On a Christopher Meloni, qui est plutôt habitué à des films un peu plus d'action, et là, qui joue le père de famille. Qui Christopher Meloni, qui est trop bien dans Happy, qui est une série qui a été arrêtée, mais qui est trop non, bien. Non, elle continue. Happy a été arrêtée. Hein. Ils ont arrêté à la saison 2, alors que c'est trop bien. Putain. Et là, il est dans un registre hyper intimiste, Christopher Meloni, dévasté par la disparition de sa femme, il est vachement bien. Il y a Angela Bassett, qu'on ne s'attend pas à avoir le rôle d'un psy. Il y a Thomas Jane, bon sang, qui galère pour des rôles, et qu'on est content de retrouver, quoi. C'est le mec qui est cool, mais qu'on plaint s'il y a un cadre cinéma qui est toujours dans les rôles. Ça dépend, Thomas Jane de Punisher était bien. Justement, tu vois, quand on pense à Thomas Jane, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est The Punisher. Donc c'est un peu dommage, quoi. Moi, Thomas Jane, pour moi, ça remonte un peu à Spider-Man 3. Mm. Ce qui est pas nouveau, quoi. Je crois pour aussi du grand public aussi, quoi. Et puis, accrochez-vous, il y a Cheryl Lee. Elle a un rôle de 5 minutes, mais voilà, Laura Palmer de Twin Peaks, putain. Hey. Ah oui. Donc voilà, un casting avec voilà, du grand, du petit. Et donc le film, bah, je vais pas trop résumer l'histoire parce que en fait voilà, ça tombe autour de la disparition de cette mère de famille qui est jouée par Eva Green. Et plus le film avance, plus tu t'aperçois qu'il y avait comme quelque chose, comme si la mère de famille déjà elle a une vie de c'est pas nouveau dans le cinéma américain, de Douglas Sirk à Greg Araki en passant par le film avec Leonardo DiCaprio, je crois que c'était Revolutionary Road. Non, c'est trop quoi, de Sam Mendes, vous vous rappelez, le mec qui a fait American Beauty? Oui. Oui, voilà, Les Noces Rebelles, je crois, j'ai dit français, Les Noces Rebelles. Oui. Voilà. Sam Mendes, il a aussi fait James Bond. Tout à fait, un excellent James Bond. Voilà, comme quoi, c'est un cinéaste indépendant, quand on leur donne un budget, qu'ils sont prêts à faire un petit blockbuster, ils font OK. et voilà, donc le cinéma américain a souvent traité la femme au foyer, etc. Donc, comme j'ai dit, de Sam Mendes à Douglas Sirk en passant. Donc, du coup, ici, par Greg Araki. Donc, Eva Green est ce personnage de femme au foyer américaine qui est délaissée, qui s'est enfermée dans son truc, qui n'a pas vraiment d'alternative et qui en vient à détester de plus en plus son mari et qui en vient à jalouser sa propre fille. Elle lui fait pas mal de remarques, elle lui ouvre la porte de la chambre quand la fille elle sort de sa douche, etc. On sent qu'il y a une tension qui plane et qu'Eva Green est parfaite dans ce rôle de femme névrosée qui commence à basculer dans la folie. Et qui va disparaître du jour au lendemain. Oh, t'as oublié quelqu'un au casting que j'aime bien. Il y a Bourrissi Dibé, mais. Je l'ai pas oublié, mais. Qui était le premier rôle de Precious. C'est ça, mais après sa carrière, c'est pas mal de séries et de trucs, donc elle est un peu plus en sous-marin chez nous, quoi. Bah, oui, après, si tu veux, quand t'as regardé Impact, c'est sûr qu'elle est dedans. Elle a fait aussi une comédie avec. Je crois que c'était. Il y avait Eddie Murphy, tu sais, une histoire de casse avec Eddie Murphy et l'autre, là. Ah, putain, j'ai un trou. Bah, je crois que ça plaisait à Alice, enfin bon, bref, elle a été dans un Sacha Baron Cohen aussi, celui où qui était l'histoire de deux frères, c'est l'un où était espion et l'autre qui était un petit mec qui vivait dans une banlieue de Manchester, enfin, un truc comme ça. Bah, elle a fait comme mine de rien certains pas mal de trucs, hein. On aurait pu penser que à cause de son physique, on allait la mettre de côté, mais non, et en plus, ça s'est fait, elle a intégré la bande à Ryan Murphy pour les American Horror Story. Donc voilà. Voilà, c'était mon aparté sur Gabour et CDB, parce que. Non, bah là, écoute, elle a le rôle de la bonne copine, de toute façon, elle a dans ses copains, on va me dire, c'est cliché, mais j'ai envie de dire, bah, c'est Greg Araki. Greg Araki, à la base, c'est quelqu'un qui et elle était elle. Dans Antebellum, pardon, excuse-moi. Oh putain, il est venu de loin celui-là. Alors mais justement, ça me permet de rebondir parce qu'en Antebellum, elle jouait le rôle de la copine un peu vulgaire, etc. Là, ouais, qui est un peu en fait... dedans, quoi. Et bah écoute, elle a le même rôle chez Greg Araki et j'ai envie de dire, en fait, on va me dire que c'est tout le temps un peu pareil chez Greg Araki, mais comme je disais, Araki, déjà à la base, il est ouvertement homosexuel, mais ses films ne s'adressent pas qu'aux gays. C'est des films pour tout public, etc., même s'il parle de la sexualité. Et là, bah, les potes de Shane Woodley, enfin de Kat, Gabour et Sidibé, qui joue le rôle de Beth, qui ne pense qu'au beat, et son pote, un pote gay qui est terrorisé par le sida, parce qu'on, et effectivement, on en parle de plus en plus, on est au début des années 90. On va me dire que c'est cliché, mais non, c'est Raki, comme ça. Et qui n'a pas eu dans son une adolescence à peu près proche de ça, ou qui peut ressembler, voilà. Moi, j'ai pas été comme ces ados-là, mais je peux m'identifier, parce qu'il y a des trucs quand même que je reconnais, et dans lesquels je peux me retrouver, quoi. Et justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que pas mal de gens ont critiqué que c'était le film était un peu mou, etc. Et qu'on était juste dans le point de vue d'une ado qui est complètement à côté de ses pompes. Mais voilà, ça c'est aussi une des thématiques du cinéma d'Araki. Lui reprocher ça, c'est reprocher un peu tout ce qu'il fait son cinéma. C'est débile. Et puis après, c'est un point de vue. On va pas lui reprocher le point de vue d'un personnage. C'est pas un point de vue, justement. Ce n'est pas le point de vue de l'enquête, parce qu'il y a l'enquête en cours, etc. Avec la mère disparue et la police qui piétine. Donc après le film, il y a un rythme alangui, c'est tranquille, sauf la dernière demi-heure, là tout s'accélère et bascule dans le thriller un peu, j'en dirais pas plus. Ouais. Il y a même un petit côté lynchien qui m'a surpris, mais tout petit côté lynchien, hein, on va pas faire peur aux gens qui n'aiment pas Lynch, parce que même l'ex-petite amie de Kat arbore un blouson de cuir noir, et ça m'a trop fait penser au personnage de Pete Dayton, joué par Bad Vargetti dans Lost Highway, qui a un gros blouson noir en cuir, et je fais « Ouais, Peyton !» Ah bah du coup, c'est peut-être pas un hasard qu'il ait pris Cheryl Lee alors, hein, c'est... Non, non, non. Et enfin, bah, et la fin qui est propre à qui a le mérite, la fin est un twist totalement what the fuck, comme un gag, mais un gag à la fois drôle, mais aussi totalement grinçant et glaçant. Et d'un second qui replonge dans la mélancolie, etc. Et qui arrive même à, c'est presque, je dirais pas un happy end, mais disons que l'héroïne, en 2, 3 ans, depuis que sa mère a disparu, même si elle connaît le fin mot du truc, à la fin, elle est en train de faire sa vie, quoi. Elle a accepté le truc sans reproche, quoi. Donc voilà, c'est un beau film. C'est un beau film qui, j'aime bien. J'aurais du mal à en dire du mal de Greg Araki au cinéma, quoi. Je suis en plein dedans. Comme dirait Nelson, je suis dans les pantoufles, quoi. Je Voilà, vois c'est qu'en ça. prod, c'est France 2 Cinéma qui a coproduit. Bah écoute, C'est une ça fait production beaucoup de sens. franco-américaine, quoi, quand même. Donc, Merci, j'ai français. c'est ça. Il est un peu français, ce film. Donc, bah moi, je vais enchaîner avec Bliss de Mike Cahill. Donc voilà. C'est un film qui est sorti cette année. Le 5 février, qui est sorti sur la plateforme dont on ne dira pas le nom. Et donc l'histoire, en fait, il s'agit de Greg, qui est un homme qui est fraîchement divorcé et qui est complètement à la masse dans son boulot, quoi. Le mec, il préfère dessiner plutôt que de faire autre chose, répondre à son téléphone. Enfin bon, Moi, j'ai envie de dire, il a raison. Mais il est complètement dans le coltard, quoi, mais de fou, quoi. Et tellement que bah il en vient à se faire virer par son boss, en fait, qui lui annonce bah tu es viré juste avant que Greg ne le tue par accident. Ah voilà, pas de peau. Voilà, dans la panique, donc il trouve une combine pour planquer tout ça temporairement, et puis il file boire un coup en face. Et là, en fait, il rencontre une femme qui lui dit que le monde dans lequel il est n'est pas réel. Bon, bien qu'il ait énormément de mal à la croire, en fait, puisqu'après tout, il n'a rien à perdre, il la suit. Donc, Mike Cahill, en fait, moi je connaissais pas du tout, mais par contre, je connaissais plus la personne avec qui il a commencé à s'associer, en fait, pour faire du cinoche, c'était Britt Marling. Parce que Britt Marling, en fait, c'est Elle est connue, elle, ouais. ouais, qui a joué, parce qu'elle s'est fait, enfin, exploser, enfin, avec The OA, qui était une série, enfin, qui est sur Netflix. Je ne sais même pas si elle est encore d'ailleurs, parce que la Ouais, mais série. c'est annulé par Netflix, il n'y aura jamais la Oui, fin. il y a eu 2 saisons. Elle manque de Après, peau. enfin, il n'y aura jamais la fin. La saison 2 ressemble beaucoup à une fin quand même. Donc, Ah. voilà. Et puis méfiez-vous on verra jamais la fin parce que c'est comme ça que est né l'épisode spécial Savoir. de Sense8, non de Sense8, parce que il devait pas y avoir d'autres saisons et en fait les fans ont fait De du quelle série? forcing pour qu'il y ait un Ah, Sense8, ok, Watoski. d'accord, oui. Oui, mais là, c'est pas pareil. En fait, là, vraiment, quand tu regardes la fin de The OA, il y a vraiment ce qui ressemble à une fin parce que enfin, je veux pas spoiler le truc, mais on sort d'un truc et voilà, en fait, après, ça fait vraiment comme si on voulait une sortie, quoi. Là où dans la saison 1, on savait pas trop et c'était une fin, mais il y avait quand même un truc où tu disais, je veux la suite. Donc, alors que là, voilà, c'est une autre démarche. Donc Britt Marling avec qui il a commencé, en fait. Bah alors déjà pour comprendre, je pense le film, pour saisir l'ambiance, faut voir que ça se rapproche pour moi un peu de Zioé. C'est-à-dire que Zioé, l'histoire, alors attends, c'était l'histoire d'une nana qui s'appelait Prairie Johnson qui était une jeune fille aveugle qui avait été adoptée et qui réapparaissait brusquement, enfin qui avait disparu et qui réapparaissait brusquement au bout de 7 ans, qui réapparaissait. Sans être aveugle, en fait. D'un coup, enfin voilà, elle avait la vision et elle voulait qu'on l'appelle The OA, l'ange originel. Elle racontait, enfin elle, enfin c'était un peu comme un gourou, en fait, c'est-à-dire qu'elle racontait des trucs à des gens elle attirait des gens pour à qui raconter son histoire et c'était un truc chelou, en fait, qu'elle racontait. Enfin bon, c'était une histoire où elle racontait sa captivité et qu'aurait été avec une suite de mouvements à faire pour intégrer un autre monde, je sais pas. Enfin bon, il y avait des histoires comme ça, en fait, Il y avait et Quoi? Quoi? Il y a eu un bip. Ah bon? Ben, je sais pas, j'ai pas entendu. Et donc voilà, c'était un peu un esprit, c'était un peu une série très étrange et en même temps très captivante. Et il y a un peu un univers un peu comme ça pour chez McKay. Et a priori, dès ses premiers films, justement, qu'il avait fait avec Britt Marling, donc le premier qu'il avait coécrit avec Britt Marling, qui s'appelait Another Earth. Et, excellent, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, et toi tu l'as vu. Il y a un deuxième qui s'appelle High Origins. Alors les deux ont plus de succès, visiblement, et plus de succès critique. Parce qu'il y a eu des prix, je crois, sur Another Earth, je sais plus. Ouais, et attends, ouais, il me semble qu'il avait eu quelques prix. Oui, il a eu des à Sundance 2011 en fait. Il a eu deux prix. Alors que sur High Origins, il a eu quelques distinctions. Il a eu pareil prix à Sundance 2014, Deauville, enfin voilà, deux trucs. Mais voilà, alors que là, celui-là, bon, il est moins bien accueilli, il pêche un peu, et là, il n'y a pas Britt Marling, puisque Britt Marling, elle jouait dans le deuxième aussi, elle n'était pas au scénario, mais elle jouait. Et alors, je ne sais pas si c'est la raison, si elle avait, si s'influençait à tel point l'un l'autre. Mais voilà, et donc sur concernant Sria, voilà, c'est un peu ce qu'il a fait jusqu'ici. Après, il a réalisé quelques trucs de télé, notamment un truc The Magician, en fait, qui est une série télé qui est pas terrible. Et il a fait un épisode et c'est très marrant parce que avec une actrice de son casting qui a joué aussi dedans, et son compositeur musical aussi a participé à la BO de cette série. Donc ils sont pas du tout sur les mêmes épisodes les uns les autres, mais bon, visiblement ils se sont tous retrouvés. Ouais. C'est Le Magicien, un truc des années 80? Non non, pas du tout, c'est un truc 2015. OK, d'accord. C'est c'est très bancal comme série. Et donc voilà, donc il a fait un peu de télé, il a fait son premier truc, c'était un documentaire. Bon, voilà. Après, il a pas énormément fait de trucs depuis 2004 non plus, donc il a été un peu en prod vite fait, mais bon, c'est à peu près les mêmes trucs qu'il travaille, quoi. Ensuite, dans le casting, bah c'est le casting en fait moi qui m'a fait un petit clip, puis je me suis dit j'y vais quand même, j'hésite un peu. Il y a Salma Hayek et Owen Wilson. Et Salma Hayek, alors elle est très bien, hein, encore pour son âge, elle est très, très belle, tout ça, machin, mais j'ai vraiment du mal avec elle en tant qu'actrice. Et la dernière fois que je l'avais vue, c'était dans Like a Boss, qui était une espèce de comédie pas terrible, avec une histoire très bateau, très con-con, enfin voilà, où elle faisait un rôle où elle en faisait des tonnes, enfin bon, c'était pas fou. Et Wilson... Le Bodyguard aussi, où elle était vraiment tout pourrie dedans. Ouais, ouais, bah là, elle est prévue dans le deuxième, hein, donc... Owen Wilson, lui, il diversifie un peu ses trucs. C'est vrai qu'on, nous, on a plus l'habitude de le voir dans des trucs, soit chez, soit dans les grosses comédies, potache, soit chez Wes Anderson. Il a diversifié un petit peu, voilà. Il a fait d'autres trucs. Je trouve qu'il fait un peu ce qu'il peut et c'est assez honorable. Après, au niveau de son casting, alors attends, je reprends les petites notes. Ah, mais où sont mes notes? voilà. Donc il y a aussi, dans le casting Rooney Cheng, qui est un mec qui est un comique américain, qui intervient régulièrement dans le Daily Show. Donc je trouve ça assez marrant en fait, finalement, de faire un truc qui n'a rien de comique et puis finalement de prendre des mecs qui ont plutôt l'habitude de jouer dans des comédies, puisque ça Hayek aussi, tu vois. Sinon il y a aussi dans un tout petit rôle Madeleine Zima, c'est qui? C'était celle qui faisait Grace Sheffield dans Une nounou d'enfer. La toute petite fille. Et ouais. En fait, qui a bien grandi depuis, parce que depuis, elle a joué dans Californication. On l'a vu très rapidement aussi dans la dernière saison de Twin Peaks, la troisième aussi. Donc on revient aussi à Twin Peaks, tu vois. Donc et là, pareil, un tout petit rôle. Ce que je comprends pas très bien, parce que théoriquement, enfin, elle a pas fait non plus d'énormes faux pas, et finalement, elle en a encore toujours réduit à faire des tout petits rôles, quoi. Ça, c'est, je pense qu'elle mériterait un petit peu mieux. Je crois qu'elle a joué dans la nouvelle saison d'Heroes, ou alors dans les anciennes aussi. Enfin, je sais plus. Bref, voilà, elle se débrouille un peu comme un peu. Et donc, en fait, en ce qui concerne le film... Ah oui, il y a aussi un truc, c'est que c'est marrant parce que Hayek et Wilson, en fait, ils seront tous deux prochainement chez Marvel, puisque Hayek, elle, sera dans Eternals, et Wilson, il sera dans la série Loki. Donc, il y a pas mal d'entrecoupements comme ça. J'ai l'impression, en même temps, que personne ne peut plus échapper à l'univers Marvel. Hein. C'est-à-dire, à un moment, en fait, quand t'es acteur, ce sera un passage obligé, j'ai l'impression. Le film, je sais pas trop si je vais commencer par les points négatifs ou positifs. Je vais commencer par les points négatifs. En fait, il y a un côté, dans le film, dans les points négatifs, on le voit souvent prendre des trucs, ce qu'ils appellent des cristals, mais c'est de la drogue en fait, quoi. Même à un moment, on les voit fumer un truc, enfin bon, voilà quoi. Et le côté drogue est bien trop présent à tel point qu'on passe. Et je pense que c'est ça aussi qui participe à semer le doute. Et il est super présent. Et c'est vrai que du coup, on passe tout le film à attendre une révélation sur l'importance de la drogue dans ce qu'ils vivent. Et finalement, ça vient pas tellement, en fait. C'est un truc qu'on casse en plan. Et ils passent leur temps à courir après quelque chose et finalement, on sait pas quoi. Le scénario, d'ailleurs, je pense qu'il repose un peu trop sur son concept. Il se passe un paquet de trucs. Il se dit voilà, plein de choses qui n'ont pas plus d'explication que ça, et c'en est frustrant, et je reviens à ce que je disais, en fait, c'est tout un tas de trucs qui sont là pour entretenir le concept, mais finalement, pas le scénario. Et donc, Salma Hayek, je reviens à elle joue pas tellement bien non plus. Hein. Moi, je la trouve assez décalée, personnellement, et Owen Wilson, lui, il a l'air suffisamment à la masse, il est plutôt bien intégré dans l'histoire, mais du coup, en fait, j'ai un peu de mal à croire à ce couple Hayek Wilson, quoi. Pour moi, c'est un mauvais choix de casting, Salma Hayek. Alors, sur les points positifs, le film, il est plus intéressant qu'il en a l'air, en fait. On bascule dans un truc un peu étrange et finalement, on arrive pas trop à prédire ce qui peut se passer. D'ailleurs, le film, en fait, même en traitant un sujet qui est pas novateur, c'est-à-dire le côté des deux mondes, du monde réel, du monde pas réel, tu vois, il y avait ça dans The Matrix aussi, enfin voilà quoi. Mais il arrive quand même à avoir sa propre identité. Et malgré tout, en fait, le film, il capte l'attention et ça suit sans trop de mal. Puis il y a un bon travail de décor aussi, je trouve, qui est pas si mal. Ensuite, la réalisation... elle suit l'action, en fait. On n'est pas du tout dans une démonstration esthétique. Tu vois, il y a des mecs qui ont pris des tonnes, tu vois. Mais là, en fait, on est vraiment dans ce qui se passe vraiment, ça s'attache à suivre l'action. Mais on n'oublie pas non plus l'image. Et quand il en a l'occasion, le réalisateur, il balance, des jolis plans. C'est pas hyper novateur, mais voilà, ça reste quand même sympa et joli. Le réalisateur, pareil, il entretient l'ambiguïté en ce que ce qui est réel, est-ce qu'il ne serait pas avec des éléments qu'on retrouve d'un univers à l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'on les voit passer dans un premier univers avec par exemple, des statues alignées, et en fait, on retrouve ces mêmes statues alignées dans l'autre univers. Enfin, c'est des petits exemples comme ça, quoi. Et finalement, en fait... Il y aurait tellement de trucs à développer, en fait, avec ce scénario. Il y a des éléments de science-fiction, et à partir de là, tu vois, on pourrait développer tellement de trucs. Mais il y a aussi le passif du personnage de Greg, donc le personnage de Wellington, et de Isabelle, Salma Hayek, savoir comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé avant, enfin bon. Alors que là, on est juste parachuté dans l'histoire, et finalement, on sent qu'il s'est placé plein de trucs avant, et je trouve que c'est beaucoup trop important pour être évoqué juste comme un truc qui a amené à la situation actuelle, enfin, en tout cas pour moi. C'est là qu'on sent vraiment la similitude d'univers entre ce film et The OA, et voilà, je pense que la la collaboration entre McKay et Britt Marling, je sais pas à quel niveau elle s'est fait, s'ils s'influençaient ou s'ils avaient d'office soit le même univers, mais clairement c'était pas du fait du hasard leur collab quoi. Et si justement si on aime The OA, il y a des chances qu'on soit un peu plus sensible à Bliss. Par contre, c'est vrai que c'est pas hyper divertissant et ça manque un peu d'intérêt par moment dans le scénario quoi. Mais moi en tout cas ce qui me concerne, le film a eu l'avantage d'attirer mon attention sur les présences sans film du Réa et je pense que j'en profite pour Marty et tout ça quoi. Voilà. Ok. Oh, voilà, on a fini. Wow. On a fini pour aujourd'hui. T'es passionné qu'à tout. ouais, non, mais il est pas exceptionnel comme film, mais ouais, c'est un bon produit d'appel pour ce qu'a fait le réavant en fait. on va revenir la semaine prochaine. Bah oui, à bientôt. Ouais. On va essayer de pas trop regarder les plateformes. Histoire de changer un peu. C'est pas facile. Ouais. On vous laisse. Yes. À plus tard. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, à la semaine prochaine. Allez, bye bye. Ciao.